Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton. Question 43. De la cause de la crainte. L'amour et l'impuissance. 1. L'amour est-il cause de la crainte? Que craignons-nous? Répond saint Augustin, si ce n'est de perdre ou de ne pas obtenir ce que nous aimons. Il est constant que celui qui aime un bien quelconque regarde comme un mal les choses qui en peuvent causer la destruction. C'est de cette manière que l'amour produit le sentiment de la crainte, il en est la cause dispositive. 2. L'impuissance est-elle cause de la crainte? La crainte a deux sortes de causes, l'une est dans le sujet qui craint, l'autre, dans l'objet que l'on craint. Sous le premier rapport, l'impuissance la produit naturellement, sous le second, c'est, au contraire, la puissance qui la fait naître, car plus le mal possède d'énergie, plus il est difficile d'en détourner les effets. Il y a, toutefois, une exception, c'est le cas où quelqu'un, par injustice, par vengeance ou de peur d'être attaqué, veut nous nuire. Sa faiblesse même peut, accidentellement, inspirer de la crainte. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.